Bienvenue à Mélomanes, l'émission pour vous, les fous de la musique, sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ, ou encore en direct sur CFNJ.net. Mathieu Lajoie au micro en cette édition du 13 avril 2016 de Mélomanes. Un gros hit la semaine passée, le Radio Pirate, troisième du nom, qui a été un succès, mesdames et messieurs. Vous avez été nombreux à l'écouter. On a eu du très bon feedback sur le groupe Facebook de CFNJ ainsi que le groupe Mélomanes, auquel je vous encourage à adhérer, soit dit en passant, si vous voulez des petites exclusivités, parce que ceux qui font partie du groupe Mélomanes savent, par exemple, depuis quelques jours déjà qu'aujourd'hui, on est encore une fois à des milles de là où on était la semaine passée. Autant on s'est tenu dans le plus récent avec le Radio Pirate, autant ce soir, on fait un gros bond de machine à voyager dans le temps en arrière pour un magnifique Mélomanes rétro. Et oui, ce soir, on explore les années 50 et début 60. Pour vous donner une idée, il n'y aura pas grand-chose qui va dépasser 1964. Donc, il faut être ouvert d'esprit. La marche est haute si on compare avec la semaine passée. Mais ô combien la récompense est grande. Tout un voyage ce soir. Les plus jeunes d'entre vous vont peut-être trouver ça un peu plus vieux. Mais c'est si ça s'adresse à vous si vous voulez être intéressé à découvrir. Ceux qui ont 30-40 vont et vraiment Mélomanes devraient s'adapter. Ceux qui ont 50, il n'y a pas de problème. Ceux qui ont 60, c'est pour vous ce soir. 60 en montant, définitivement à vous qu'on s'adresse. Un hommage à votre génération et celle de vos parents. Mais attendez-vous pas un mix rock'n'roll générique, c'est quand même Mélomanes. On se promène. Donc, très nostalgique et instructif ce soir. J'espère que vous allez aimer autant que moi parce qu'on commence ça tout de suite avec Danny and the Juniors au 99.1 CFNJ. Oh! pom pom pom pom. Mama. like to thank the guy who wrote the song that made my baby fall in love with me. Who put the bomb in the bomb, bomb, bomb? Who put the rhyme in the ram-a-lama ding dong? Who put the bop in the bop, shabop, shabop? Who put the dip in the dip, di dip, di dip? Who was that man? I'd like to shake his hand. He made my baby fall in love with me. When my baby heard bom-ba-ba-bom-ba-bom-ba-bom, every word went right into her heart. And when she heard them singing rhyme-a-lama-lama-lama-lama-lama-ding-dong, she said we'd never have to part. So who put the bomb in the bom-ba-bom-ba-bom? Who put the rhyme in the rhyme-a-lama-ding-dong? Who put the bop in the bop shabop shabop? Who put the dip in the dip did dip did dip? Who was that man? I'd like to shake his hand. He made my baby fall in love with me. Each time that we're alone, boogity boogity boogity boogity boogity boogity shoot, sets my baby's heart all aglow. And every time we dance to dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip, she always says she loves me so. So who put the bop in the bop, bop, bop? Who put the rhyme in the ram-a-lama ding dong? Who put the bop in the bop, shoo-bop, shoo-bop? Who put the dip in the dip, dip, dip, dip, dip? Who was that man? I'd like to shake his hand. He made my baby fall in love with me. Darling, bom bom bom bom bom bom bom bom, and my honey, rama lama ding dong, forever. And when I say dip dip dip dip dip dip, you know I mean it from the bottom of my boogity boogity boogity shoe. Et 88.9 CFNJ. Someday someday. Here I go falling down, down, down. My mind is a blank, my head is spinning around and around as I go deep into the funnel of love. Darling, read that rose by myself. choisissez les nuits comme il est plus belle. Quand les nuits des roses, elle les aime tant. 20 ans, le cœur gonflé d'espoir et d'illusion, il vient pour acheter quelques roses en bouton. La fleuriste est jolie, perdue dans son printemps. Il n'est pas sûr de lui quand il dit gentiment: donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous, c'est très important. Choisissez-les-moi parmi les plus belles. Donnez-moi des roses, elle les aime tant. Il est venu ce client d'abord tous les samedis, et de plus en plus souvent tous les après-midi. La fleuriste connaît maintenant tous ses secrets, mais elle ne sait jamais vers qui va le bouquet. Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous, c'est très important. Choisissez-les-moi parmi les plus belles. Donnez-moi des roses, elle les aime tant. Un jour, en préparant son éternel bouquet, elle a dit gentiment: vous savez, je m'en vais, je me marie demain, vous ne me verrez plus, mais je vous aime bien, voici 10 roses. Je ne veux plus de roses, mademoiselle, car mes rendez-vous n'existaient jamais. C'était pour vous voir, vous êtes si belle, gardez vos bouquets, c'est vous que j'aimais. C'est vous que j'aimais, c'est vous que j'aimais. Chim, chimney, chim, chimney, chim, chim, cheree. A sweep is as lucky can be. Chim, chimney, chim, chimney, chim, chim, cheroo. Good luck, we're a buff when I shake hands with you. Oh, blow me a kiss, and that's lucky too. Now as the ladder of life has been strung, you might think a sweep's on the bottom most rung. Though I spends me time in the ashes and smoke, in this all wide world there's no happier bloke. Chim chiminy, chim chiminy, chim chim cheree. A sweep is as lucky can be. Chim chiminy, chim chiminy, chim chim cheroo. Good luck, we're a boff when I shake hands with you. Chim chiminy, chim chiminy, chim chim cheree. A sweep is as lucky can be. Chim chiminy, chim chiminy, chim chim cheroo. Good luck, we're a boff when I shake hands with you. I choose me bristles with pride, yes I do. A broom for the shaft and a brush for the flue. Up where the smoke is all billowed and curled, between pavement and stars is the chimney sweep. When there's hardly no day, nor hardly no night, there's things off in shadow and off way in white. On the rooftops of London, cool, what a sight. Chim chimini, chim chimini, chim chim cheree. When you're with a sweep, you're in glad company. Nowhere is there a more happier crew than them what sings chim chim cheree, chim chim cheroo. chim chimini chim chim chiri chim chiri. Toujours à Méloman, Méloman rétro ce soir au 99.1 et 88.9 CFNJ. Et on a déjà des petits indices qui nous laissent entendre qu'on va prendre plusieurs directions. Encore une fois, rétro ou pas, Dick Van Dyke, qu'on vient d'entendre en compagnie de Julie Andrews, bien sûr, avec Chim Chim Cherry, tiré de la version cinématographique de 64 de la comédie musicale Mary Poppins, que certains d'entre vous avaient certainement reconnu. Et on s'en est moins rendu compte au Québec avec la traduction française, mais encore à ce jour, on dit que la palme d'or du pire faux accent british de tous les temps au cinéma est remportée par l'Américain Dick Van Dyke, qui, faut-il le rappeler, devait jouer un Anglais dans une histoire assez britannique, merci. Mais autrement, une bien belle job pour Dick Van Dyke et une très belle pièce qui était précédée de notre Fernand Gignac national avec certainement son plus grand succès en carrière, Donnez-moi des roses, de 1962, qui était elle-même précédée de la très sulfureuse reine du rockabilly, Wanda Jackson, la même année avec l'excellente Funnel of Love. Wanda Jackson, qui a récemment connu un regain de popularité grâce à Jack White du groupe des White Stripes, gros fan de rockabilly, qui a fait un nouvel album avec elle en 2011 et qui s'intitule « The Party Ain't Over ». Et pour la première partie du bloc, on a eu droit à un véritable marathon doo-wop, ce fameux style. On en avait déjà parlé à l'émission, un style inventé par des groupes qui chantaient sur les coins de rue et qui imitaient des instruments avec leur bouche, faute d'avoir assez d'argent pour pouvoir s'en procurer. Donc tout ça qui a commencé avec At the Hop, gros succès pour Danny et ses Juniors en 1957, suivi un an plus tard des Ed Sells avec Ramalama Ding Dong. Et on a aussi entendu un hommage aux voix graves des fameuses basses propres au style du doo-wop avec Mr. Bassman de Johnny Cymbal en 1963. Et c'était suivi en 1956 de Frankie Lymon and the Teenagers avec un gros succès du genre Why Do Fools Fall in Love, un peu plus connu quand même. Une pièce suivie à son tour de Barry Mann et de son Who Put the Bump, un classique de 1961. Donc, voyez-vous, il y a quand même des découvertes à faire. On n'est pas dans un rétro générique du tout, même s'il y a quand même beaucoup de hits à venir. Et en plus, on a des beaux blocs bien charnus ce soir par-dessus le marché. Vous n'êtes pas au bout de vos peines. On écoute Johnny Burnett, 99.1 CFNJ. Ooh, you come on like a dream. Peaches and cream, lips like strawberry wine. You're 16. You're beautiful and you're mine. You're all ribbons and curls. Oh, what a girl. Eyes that twinkle and shine. You're 16. You're beautiful and you're mine. You're my baby. You're my pet. We fell in love on the night we met. You touching my hand. My heart went pop. And ooh, when we kissed, we could not stop. You walked out of my dreams, into my arms. Now you're my angel divine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. Oh, well, you're my baby, you're my pet. We fell in love on the night we met. You touched my hand, my heart went pop. And ooh, when we kissed, we could not stop. You walked out of my dreams, into my arms. Now you're my angel divine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. Well, you're 16, you're beautiful, and you're mine. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling his romance. Oh, the ceiling.

never, yes, you really never. You never give me a chance. Come, come, come, come, come into my heart. No, darling, we will never part. I need you, darling, so come go with me. Never give me a chance. Come and darling, come and go with me. Sweet baby, you're the one.

sera, sera. Au 99.1 et 88.9 CFNJ, c'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. CFNJ Et oui, Méloman rétro ce soir où on vient d'entendre une pièce que vous deviez tous connaître et qui tient son origine, si on le sait moins, d'un film de nul autre qu'Alfred Hitchcock, The Man Who Knew Too Much, en français L'Homme qui en savait trop, version 1956, parce qu'il s'agissait en fait déjà d'un remake de son propre film de 1934. Donc, 1956, un excellent film qui met en vedette ce cher Jimmy Stewart, un acteur fétiche d'Hitchcock. Et bien sûr, la belle Doris Day qu'on vient d'entendre avec Qui sera, sera, Whatever will be, qui a une grande importance dans le film que je vous conseille fortement d'ailleurs. On a aussi entendu Juliette Gréco avec la somptueuse Javanaise que Gainsbourg avait composée pour elle en 63, qui était précédée 10 ans plus tôt d'une autre chanson qui nous vient aussi tout d'abord d'un film, soit de Caddy, Amour, délice et golf en français, un film de Jerry Lewis et de Dean Martin, bien sûr, qu'on a entendu ici avec That's Amore, une de ses plus connues. Et sinon, juste des classiques, Sam Cooke avec Chain Gang de 1960, pile, une chanson qui fait référence au groupe de prisonniers qu'on enchaînait ensemble pour accomplir, évidemment, les tâches les plus ingrates. On a aussi entendu un gros hit de 57 en la personne de Thurston Harris avec son Little Bitty Pretty One, qui était précédé un an plus tôt de Love is Strange de Mickey and Sylvia, qui vont connaître un regain de succès comme plusieurs grâce au film Dirty Dancing de 87. Et sinon, eh bien, le bloc qui fut amorcé par Johnny Burnett, un gars qui nous vient originalement de la scène rockabilly, avec une pièce, là, il était plus du côté du pop avec ça, You're 16 de 1960, qui va être reprise par Ringo Starr en 73. Louis Prima aussi, en 56, avec Just a Gigolo, qui, elle, va être reprise avec succès par David Lee Roth, premier chanteur de Van Halen en 85. Et les Del Vikings avec Come Go With Me, gros succès de 1957. Et nous, eh bien, on y retourne avec un classique de Doohan Eddy, au 99.1 CFNJ. Mon cœur

après sud de la Nausière, on prévoit quelques nuages pour les prochaines heures, un minimum de moins 4. Ensoleillé pour jeudi, maximum 8. Et ensoleillé vendredi, samedi et dimanche, maximum de 11 à 18 degrés. Et les secteurs du nord, Saint-Michel, les environs, quelques nuages cette nuit, minimum de moins 9. Et ensoleillé de jeudi à dimanche, des maximums de 9 à 17 degrés. CFNG. I'm on the fire, I'm old man. I'm on the fire, I'm old man. I'm on the fire, I'm old man. Down the line. Oh yeah. Well, me and the devil sat and I started lying. He started rolling all us out of sight. I'm on the fire, I'm old man. I'm on the fire, I'm old man. I'm on the fire, I'm old man. Down the line. Oh yeah. Well, going pretty fast, I look up behind. Here comes the devil doing 99. I'm saying, I'm a fire, I'm a man. I'm a fire, I'm a man. I'm a fire, I'm a man down the line. Listen to that. Smart, the race was won. Here come the devil doing 100 and more. I'm on fire, I'm a old man. I'm on fire, I'm a old man. I'm on fire, I'm a old man down the line. Let's try it again. I'm a little fire, I'm a old man. I'm a little fire, I'm a old man. I'm a little fire, I'm a old man. Down the line. Come on, yeah. Well, I've led an evil life. I say, but I'll have from the devil on judgment day. I'm a little fire, I'm a old man. I'm a little fire, I'm a old man. I'm a little fire, I'm a old man. Down the line. Well, they took some honey from a tree, dressed it up and they calling me. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. I woke up last night, 4:30, 15 women knocking at my door. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Went out last night, mean to stay late. For home I had 19 dates. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Knocking at my door. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Well, they took some honey from a tree, dressed it up and they called it me. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. In a little cabaret in a South Texas border town sat a boy and his guitar. And the people came from all around, and all the girls from there to Austin were slipping away from home and putting jewelry in pocket to take the trip to go and listen to the little dark-haired boy that played the Tennessee flat-top box, and he would play. Well, he couldn't ride or wrangle, and he never cared to make a dime, but give him his guitar, and he'd be happy all the time. And all the girls from 9 to 90 were snapping fingers, tapping toes, and begging him don't stop, and hypnotized and fascinated by the little dark-haired boy that played the Tennessee flat-top box, and he would play. Then one day he was gone, and no one ever saw him round. He vanished like the breeze, and they forgot him in the little town. But all the girls still dreamed about him and hung around the cabaret until the doors were locked. And then one day on the hit parade was a little dark-haired boy that played a Tennessee flat-top box, and he would play. Toujours à Méloman Rétro avec Johnny Cash au 99.1 et 88.9 CFNJ. Et oui, Monsieur Cash, qui, on l'oublie souvent, nous vient autant sinon plus du monde du rockabilly que celui du country. Le rockabilly, un mot qui en fait est un amalgame entre rock and roll et hillbilly et qui fait donc référence au country, donc un mélange du blues accéléré, des noirs et du country des blancs qui nous a donné rockabilly, un ancêtre du rock'n'roll. Donc Johnny Cash, qui était signé au début de sa carrière chez Sun Records, la mecque du rockabilly, donc pas un label du tout country, mais vraiment rockabilly, c'est la fameuse étiquette de disque de Memphis de Sam Phillips qui a découvert Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison, Johnny Cash, qu'on vient d'entendre avec Tennessee Flat Top Box de 1961, et un grand oublié, Carl Perkins, qu'on a entendu juste avant, en 57, avec Everybody's Trying to Be My Baby, une chanson que George Harrison, un gros fan de Carl Perkins, va reprendre sur Beatles for Sale de 1964. Carl Perkins, à qui on doit aussi Blue Suede Shoes, qu'on attribue trop souvent à Elvis, mais c'est une chanson de Perkins originalement. Et sinon, ben, on est resté dans le rockabilly avec Gene Vincent, compositeur de Bebopalula, qu'on a entendu avec Race with the Devil de 1956 et qui était précédé d'Eddie Cochran, un autre grand oublié avec Cut Across Shorty, sorti un mois seulement avant sa mort intempestive dans un accident de voiture en 1960. On en avait déjà parlé dans une autre émission. Et c'est le son du country de Nashville qui nous avait mené là avec Patsy Cline et son gros hit Walking After Midnight de 1957. Et sinon, en première partie de bloc, on était complètement ailleurs, mais toujours dans les mêmes années. Adamo, Salvatore Adamo avec Ma Chambrette de 1964. Très belle chanson dont l'idée m'est venue, imaginez-vous, en lisant L'hiver de force de Régent Ducharme dernièrement. Un livre et un auteur que je vous conseille fortement en passant. Un personnage assez singulier, Régent Ducharme, un gars de Saint-Félix qui étudie au Clair Saint-Viateur, hyper mystérieux et qui écrit vraiment une plume particulière. Bref, Régent Ducharme qui cite les paroles de la chanson que j'ai retrouvée à partir de ça et je vous la fais jouer ce soir. Et on a aussi entendu, croyez-le ou non, Michel Louvain avec Louise de 61 qui suivait le classique instrumental 40 Miles of Bad Road de Duane Eddy en 1959. Et nous, ben, on y retourne en musique avec les Diamonds au 99.1 CFNJ. Darling, I need you to call my own and never do wrong. To hold in mind your little hand. I'll know too soon that all is so grand. Please hold my hand. I was wrong to try to love up to Papa. Oh, well, that my lover was just for you. you. Shabam shabam, shabam shabam, shabam shabam, shabam shabam, shabam shabam. Are the stars out tonight? Shabam shabam. I don't know if it's cloudy or bright. I only memorized for you. Dear. The moon may be high, but I can't see a thing. Se n'était pas ce rêve,

And there, 20 years thereafter, Jimmy was to meet his love. All the chapel bells were ringing, 'twas a great day in his life, 'cause the songs that they were singing was for Jimmy and his wife. Then the little congregation prayed for guidance from above. Lead us not into temptation, bless, O Lord, this celebration. May their lives be filled with love. From the village, hidden deep in the valley, one rainy morning, dark and gray, a soul winged its way to heaven. Jimmy Brown had passed away. Just a lonely bell was ringing in the little valley town. 'Twas farewell that it was singing to our good old Jimmy Brown. And the little congregation prayed for guidance from above. Lead us not into temptation, may his soul find the salvation of thy great eternal love. Avec vous partout dans la Naudière, 99.1 et 88.9 CFNJ. Davy, Davy Crockett, the king of the wild frontier. Born on a mountaintop in Tennessee, a green estate in the land of the free. Raised in the woods so's he knew every tree, and kilted him a bar when he was only three. Davy, Davy Crockett, the king of the wild frontier. He fought single-handed through the Injun War, till the Creeks was whipped and peace was in store. And while he was handling this risky chore, he made himself a legend forevermore. Davy, Davy Crockett, king of the wild frontier. Oh, when he lost his love, his grief was gall. In his heart he wanted to leave it all and lose himself in the forests tall. But he answered instead his country's call. Davy, Davy Crockett, the choice of the whole frontier. He went off to Congress and served a spell, fixing up the government and laws as well. Took over Washington, so we hear tell, and patched up the crack in the Liberty Bell. Davy, Davy Crockett, serving his country well. When he come home, his politicking done, why the big Western march had just begun. He packed up his gear and his trusty gun, and lit out the grinning to follow the sun. Davy, Davy Crockett, leading a pioneer. His land is biggest, and his land is best, from grassy plains to the mountain crest. He's ahead of us all, a meeting a test, and following his legend right into the West. Davy, Davy Crockett, the king of the wild frontier. Garçon, je me sauvais de la maison. Je partais sans le dire à maman pour aller jouer dans l'étang. J'avais fait un bien joli voilier avec des bouts de merisier que mon père, un ancien marinier, avait laissé dans l'atelier. Vogue, vogue tout le long de la rivière. Vogue, mon joli petit bateau. À 20 ans, j'entrais dans la marine sur un joli, joli bateau. À vrai dire, j'avais changé de mine, j'étais alors un vrai matelot. Chaque fois que j'entrais dans un port, j'allais rêver le long des quais. Sur la mer, quand je frôlais la mort, je me rappelais mon petit voilier. Vogue, vogue, tout le long de la rivière. Vogue, vogue, mon joli petit bateau. Maintenant, me voilà capitaine sur un joli, joli vaisseau. Je dépasse déjà la soixantaine et puis, ben, je suis toujours sur l'eau. Chaque nuit, les yeux sur les étoiles, je sens mon cœur bien balloter. Je revois mon petit batteur Well, bâti jadis dans l'atelier. Vogue, vogue, tout le long de la rivière. Vogue, vogue, mon joli petit bateau. Vogue, vogue, tout le long de la rivière. Vogue, vogue, mon joli petit bateau. Au 99.1 et 88.9 CFNJ, c'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Et ce Mélomane rétro qui se poursuit juste pour vous, mesdames et messieurs. J'espère que vous appréciez comme des petits fous un classique québécois de 1958 qu'on vient d'entendre avec la chanson du petit voilier de Paolo Noël, tout jeune avec sa voix d'ange. D'ailleurs, Paolo Noël qui a pas mal débuté sa carrière en gagnant un concours d'imitation de Tino Rossi à la station de radio CKC dans le temps, d'où la voix d'ange. On a aussi entendu un petit clin d'œil, un classique des années 50, le thème de Davy Crockett, une émission que j'ai moi-même écoutée en reprise étant plus jeune. J'avais même le fameux casque en raton laveur qui venait avec. Donc un thème chanté par Fess Parker en 1955 et qui était précédé d'une magnifique pièce de Three Bells du groupe The Browns en 1959. Une chanson qui va plus tard être reprise par les Classelles au Québec. Et c'était précédé d'un gros hit, s'en prend aussi, de Françoise Hardy, Tous les garçons et les filles de 1962, qui suivait à merveille la même année Tony Massarelli, un gars originaire de Bonofero en Italie, qui a connu le succès au Québec avec Aimer et mentir, mieux connu sous le nom de Pour t'aimer, j'ai menti. Et on a aussi entendu un vrai classique du doo-wop des années 50, style dont on a parlé tantôt, soit la magnifique I Only Have Eyes for You des Flamingos en 1959, qui était précédée d'une chanson qui rend de bonne humeur à tout coup et qu'on avait déjà entendu à l'émission il y a quelque temps, Jimmy Soul avec If You Wanna Be Happy de 1963, une chanson qui a connu un regain de popularité encore une fois grâce à son inclusion dans un film, cette fois-ci Mermaids ou au Québec Les Sirènes, film de 1990 avec Cher, Winona Ryder, la petite Christina Ricci et le regretté Bob Hoskins décédé il n'y a pas très longtemps. Et tout ça amorcé par un gros hit de 1957, soit Little Darling des Diamonds. Et sans plus tarder, on écoute les Everly Brothers au 99.1 CFNJ. Darling, you can count 'cause I'm so devoted to you. I'll never hurt you. I'll never lie. I'll never be untrue. I'll never give you reason to cry. I'd be unhappy if you were blue. Through the years, my love will grow. Like a river, it will flow. It can't die because I'm so devoted. Hold me close and tell me how you feel. Tell me love is real. Words of love you whisper soft and true. Darling, I love you. The words I want to hear, darling, when you're near. Words of love you whisper soft and true. Darling, I love you. Went wrong with our love, the love that was so.

on se rapproche dangereusement du thème qu'on va aborder la semaine prochaine, que je vous annonce en primeur, soit la British Invasion, l'invasion britannique, qu'on va explorer lors de la prochaine émission. Et Petula Clark en fait partie, que vous allez sûrement réentendre à ce moment-là, puisqu'elle fait partie elle-même de la dite invasion britannique, étant elle-même anglaise, comme je vous dis. Mais ça, je vous en dis pas plus. On va tout voir ça la semaine prochaine. Et sinon, qu'est-ce qu'on a entendu aussi? Ah oui, on était encore une fois au cinéma avec le thème du film The Alamo, un film avec John Wayne, dont le thème magnifique était The Green Leaves of Summer, qu'on a entendu par les Brothers Four en 1961. Et juste avant, toujours au cinéma avec un thème, en fait, un contrepoint, deux thèmes, un par-dessus l'autre, soit Doll on a Music Box et Truly Scrumptious par respectivement Sally Ann Howes et encore une fois Dick Van Dyke, qui est représenté deux fois ce soir, musique du film de Disney Chitty Chitty Bang Bang de 1968. Donc une petite exception parce qu'on presque tout arrête à 64 ce soir. Le film en passant basé Chitty Chitty Bang Bang sur une nouvelle de Ian Fleming, auteur de la série James Bond. Donc, assez surprenant. Il n'y a pas beaucoup de gens que je connais qui savent ça. Et on a aussi entendu tout droit sorti d'une autre époque, Dominique, de l'artiste belge Sœur Sourire, en 1962. La seule chanson de langue française à s'être classée numéro 1 des ventes de disques aux États-Unis, étonnamment. Et la première partie du bloc, elle, était constituée entièrement de classiques avec Runaway, gros succès de 1961 pour Del Shannon. Ce cher Buddy Holly aussi avec Words of Love de 1957, chanson qui va aussi être reprise par les Beatles sur leur album Beatles for Sale en 64. Le même album où Harrison va reprendre la pièce de Carl Perkins dont on parlait tantôt. Et les Everly Brothers, grosse influence sur les harmonies vocales des Beatles aussi, avec la sublime Devoted to You de 1958. Donc voyez-vous, les influences sur les Beatles et sur tout ce qui allait suivre se font sentir tranquillement pas vite. Et c'est en plein là qu'on s'en va la semaine prochaine, où on va explorer tout ce méga phénomène qu'a été l'invasion britannique. Donc manquez pas ça. Mais nous, ce soir, on continue notre mélomane rétro pré-Beatles avec, à l'instant, Chris Montez au 99.1 CFNJ. peppermint twist. What you know? He ran and ran, up and down. Round and round, and up and down. Round and round, and up and down. And one, two, three, kick. One, two, three, jump. On 45th Street. Well, the peppermint twists me. And you learn to do this, the peppermint twist. It's alright all night. It's alright. It's alright. It's okay all day. It's okay. It's okay. And you learn to do this, the peppermint twist. Please don't tease. If I can hold you, then let me squeeze. My heart goes round and round. My love will tumble me down. You leave me breathless. Well, I shake all over, and you know why. I'm sure it's love, honey, that's no lie. Cause when you call my name, you know I burn like wood in flame. You leave me breathless. Ooh, baby. Ooh, crazy. You're much too much. Honey, I can't love you enough. It's all right to hold me tight. But when they you love me right. Be shy. This love was meant for you and I. When rain, sleet or snow, I'm gonna be wherever you go. You have left me breathless. Stars up in the skies and place them in her eyes for me. I'll give her all the love I have to give, as long as we both shall live. That I always will be true. I'll give her all the love I have to give, as long as we both shall live. Hey, Vina. Oh, Vina. Make my wish come true. Avec vous, partout dans la Naudière. 99.1 et 88.9 CFMJ. Chances are, 'cause I wear a silly grin, the moment you come into view. Chances are you think that I'm in love with you. Just because my composure sort of slips the moment that your lips meet mine. Chances are you think my heart's your valentine. In the magic of moonlight, when I sigh, hold me close, dear. Chances are you believe the stars that fill the skies are in my eyes. Guess you feel. And if you think you could, well, chances are your chances are awfully good. Chances are you believe the stars that fill the skies are in my eyes. Guess you feel you'll always be the one and only one for me. And if you think you could, well, chances are your chances are awfully good. The chances are your chances are awfully good. 99.1 et 88.9 CFNJ. She comes on like a rose, but everybody knows she'll get you in touch. You can look, but you better not touch. Poison ivy. Ivy comes a creeping around. She's pretty as a daisy, but look out, man, she's crazy. She'll really do you in if you let her

ocean view. You're sure to fall in love with old Cape Cod. Winding roads that seem to beckon you. Miles of green beneath the skies of blue. Church bells chiming on a Sunday morn remind you of the town where you were born. If you spend an evening you want to stay, watching the moonlight on Cape Cod Bay. You're sure to fall in love with old Cape Cod. Oh, if you spend an evening, you'll want to stay on Cape Cod Bay, watching the moonlight on Cape Cod Bay. You're sure to fall in love with old Cape Cod. You're sure to fall in love. You're sure to fall in love with old Cape Cod. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 88.9. Et on est toujours en plein Mélomane spécial rétro ce soir avec une panoplie de classiques et de découvertes qu'on entend moins souvent, dont cette merveille de Patti Page en 1957, Old Cape Cod, qui est devenu en quelque sorte l'hymne national non officiel de Cape Cod, le cap aux morues, parce que c'est ça que ça veut dire, Cod, au fil des années. Donc, une très belle chanson qui a été reprise de façon magnifique en passant par les Poupini Sisters en 2007. Vous irez écouter ça, ça vaut la peine. Et sinon, un classique d'importance historique, Johnny Ace en 54 avec Pledging My Love, qu'on n'entend vraiment pas souvent à la radio. Johnny Ace, à qui Paul Simon va rendre hommage dans sa chanson The Late Great Johnny Ace. Et si vous avez déjà vu le fameux show de réunion de Simon & Garfunkel à Central Park de 81, eh bien c'est la fameuse chanson où un gars, un spectateur, monte sur la scène comme pour attaquer Paul Simon. Après qu'il ait mentionné le nom John Lennon, qui venait de mourir moins d'un an auparavant dans sa chanson. Bref, un moment quand même assez particulier et une chanson qui parle justement de Johnny Ace qu'on a entendu juste après Les Bourgeois de Brel dans les mêmes années, en 1962, même si c'est de la chanson française. En fait, de la chanson belge, on oublie souvent que c'est un Belge qui a beaucoup donné le ton à la chanson française de ces années-là. Et on a aussi entendu, sinon, un classique de 1958, Tears on My Pillow de Little Anthony and the Imperials, qui suivait les Coasters un an plus tard, qu'on connaît mieux pour Yakety Yak ou Charlie Brown, mais qu'on a entendu ici avec la très belle Poison Ivy, qui était, elle, précédée par une autre, typiquement 1957, Chances Are de Johnny Mathis. Et sinon, eh bien, juste des classiques, Frankie Avalon et son Venus en 59, qui suivait en 58, Breathless de Jerry Lee Lewis. Et sinon, début 60, avec Joey D and the Starlighters et leur Peppermint Twist de 61, juste après Let's Dance par Chris Montez en 62. Et nous, il nous reste au moins un bon bloc comme ça qui débute sur le champ avec Don Gibson, 99.1 CFNJ. My lost ship of a heartbreak. Of a heartbreak. Oh, what I'd give to sail back to shore, back to your arms once more. Oh, come to my rescue. Come here to me. Take me. Of a heartbreak, lost love and loneliness, memories of your caress, so divine. How I wish you were mine again, my dear. I'm on the sea of tears, sea of a heartbreak. 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Elle était trop jolie quand le vent l'emmenait. Elle fuyait ravie et le vent me disait, elle est bien trop jolie, et toi je te connais, l'aimer toute une vie, tu ne pourras jamais. Oui, mais elle est partie, c'est bête, mais c'est vrai. Elle était si jolie, je n'oublierai jamais. Aujourd'hui c'est l'automne et je pleure souvent. Aujourd'hui c'est l'automne, qu'il est loin le printemps. Elle disparaît. Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Je n'oublierai jamais. From nowhere, through a caravan, around campfire light, a lovely woman in motion, with hair as dark as night. Her eyes were like that of a cat in the dark, that hypnotized me with love. She was a gypsy woman. A gypsy woman, yeah. She danced around and round to a guitar melody. From the fire, her face was all aglow. How she enchanted me. Oh, how I'd like to hold her near and kiss and forever whisper in her ear. I love you, gypsy woman. I love you, gypsy woman. All through the caravan, she was dancing with all the men, waiting for the rising sun. Everyone was having fun. I hate to see the lady go, knowing she'll never know that I love her. I love her, the gypsy woman.

Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie. On every tree there sits a bird, singing a song of love. On every tree there sits a bird, and everyone I ever heard could break my heart without a word, singing a song of love. A song of love is a sad song. Hi, lily, hi, lo. A song of love is a song of woe. Don't ask me how I know. A song of love is a sad song. Oh, I have loved and it so. Hi, lily, hi, lily, hi, lo, hi, lo. Hi, lily, hi, lily, hi, lo. Hi, lily, hi, lily, hi, lo, hi, lo. Hi, lily, hi, lily. Hi-lo. A song of love is a sad song. Hi, lily, hi-lo. A song of love is a song of woe. Don't ask me how I know. A song of love is a sad song. For I have loved it so. Hi, lily, hi-lo, hi-lo. Hi, lily, hi-lily, hi-lo. Hi, Lily, hi, Lily, hi, lo, hi, lo. Toujours à Mélomane Rétro au 99.1 CFNJ. Et là, ça sent la boule à mythe. J'espère qu'il y a au moins une personne parmi vous qui a reconnu ce qu'on vient d'entendre, parce que j'ai été chercher ça vraiment, vraiment très loin. 1953, Leslie Caron avec une chanson tirée d'un film obscur du nom de Lily et la pièce qui s'intitule « Hi Lily, Hi Lo » et qui est chantée avec une marionnette un peu effrayante avec le recul. Bref. C'est pas jeune comme film, j'avais vu ça sur une vieille VHS étant enfant, mais je dis que c'est un film obscur. C'est pas si vrai que ça, parce que dans le temps, ça avait quand même gagné l'Academy Award pour la meilleure musique et le film s'était même rendu à Cannes. Donc, plus catégorie film oublié, dont le thème principal a été repris par plusieurs artistes au fil des années, dont Gene Vincent qu'on a entendu tantôt. Et on a aussi entendu du Béco, Gilbert de son prénom avec Nathalie de 64. Et petite anecdote en passant, dans la chanson, on parle d'un café fictif de la Place Rouge en Russie, le café Pouchkine, qui n'existait pas au moment de l'écriture de la chanson, mais en 1999, Béco a ouvert un vrai café Pouchkine à l'endroit décrit dans la chanson. Il semblerait que c'est là que se sont rencontrés Jacques Chirac et Vladimir Poutine, au grand désespoir de Pierre Delanoë, auteur de la chanson, parce que je cherchais, là, mais Béco a composé la musique, Pierre Delanoë a composé les paroles comme pour plusieurs classiques. Et sinon, The Mystics, qu'on a entendu aussi avec Usher By de 1959, une pièce que les Beach Boys vont reprendre magnifiquement bien en 64. Je vous ferai jouer ça un de ces quatre. Et c'était précédé de Curtis Mayfield et And the Impressions avec Gypsy Woman de 1961. Un groupe particulièrement prisé par les musiciens jamaïcains du temps et qui va donc donner en quelque sorte naissance au reggae par la bande. Alain Barrière aussi, elle était si jolie en 63, la magnifique I Love How You Love Me des Paris Sisters en 61, qui va être reprise par Bobby Vinton un peu plus tard et qui a été écrite par Barry Mann, qu'on a entendu en début d'émission avec Who Put the Bump. Et sinon, on a flirté aussi avec le country un peu avec Walk Right In des Rooftop Singers en 62, ainsi que Sea of Heartbreak de Don Gibson, un an plus tôt. Et voyez-vous, c'est ce qui conclut notre première édition de Méloman Rétro. J'espère que vous avez apprécié. Il y en a qu'on a été chercher assez loin, merci. Donc j'espère que vous avez fait des découvertes ou qu'on vous a rappelé des souvenirs à profusion, parce que j'ai bien humblement essayé de me tenir loin de ce qu'on entend le plus souvent. Mais qui sait, on en fera sûrement un autre bourré de hits un de ces jours. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a toute une qui attend la semaine prochaine, l'invasion britannique des années 60, qui va faire écho à l'émission d'aujourd'hui. Donc je vous convie, comme toujours, Méloman, mercredi prochain, dès 21h sur les ondes de CFNJ. Et, oh, attendez une seconde, on va organiser ça pour qu'on puisse entendre notre dernière chanson. Oh, OK, un peu plus, puis ça marchait pas. Donc, je vous y convie, comme je vous dis, mercredi prochain, 21h sur les ondes de CFNJ. Un gros merci d'avoir été là et en vous souhaitant une excellente semaine et une bonne nuit, je vous laisse avec les Skyliners au 99.1 CFNJ. Since I don't